les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Direction le Mexique, dans la demi-heure qui va suivre avec la suite des carnets mexicains de Roger Pilaudin, les 7e et 8e épisodes d'une série de 12, avec tout de suite un dialogue entre l'écrivain Carlos Fuentes et l'anthropologue Fernando Benitez autour de la place qu'occupent les anciennes pratiques des populations autochtones dans la culture du pays, ou plutôt en réalité dans les marges culturelles et sociales du Mexique. Conversation avec Fernando Benitez et Carlos Fuentes. Romancier, journaliste et historien des Indiens du Mexique, Fernando Benitez, que nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Carlos Fuentes, a étudié le peyotle, cette plante hallucinogène, matière sacrée pour l'Indien, dont il nous a dit hier déjà qu'elle était pour l'Indien une façon de retrouver le monde perdu, de retrouver la communication avec les dieux, avec les morts, et qu'il a dû lui-même essayer pour en éprouver les propriétés, je crois. Oui. C'est pour moi une expérience spirituelle extraordinaire, mais très difficile, parce que toujours c'est difficile de se connaître soi-même. Vous voulez dire par là que l'usage du peyoté vous a amené à faire des découvertes sur vous-même? Oui, le peyoté a un pouvoir de réminiscence. Tout ce qui vous gardez votre inconscient sort brutalement dans une espèce de catharsis. Et alors, c'est douloureux et désagréable de connaître les choses désagréables que vous avez vécues. Ce n'est pas agréable de vous voir avec les tripes à l'air. À l'air, exactement, oui. Est-ce que ça veut dire que le peyoté ne devrait pas justement être interdit aux Occidentaux que nous sommes et réservé aux seuls Indiens qui y sont préparés depuis toujours? C'est très différent. Michaud raconte une histoire d'une demoiselle parisienne qui prend mescaline ou psilocybine dans son petit appartement, avec le téléphone trépreux, avec des jus d'orange dans son réfrigérateur pour accalmer son foie. Et c'est une expérience très limitée avec de la musique de Beethoven. Et les Indiens, au contraire, courent un grand risque. Le risque de devenir fou. Ils le savent? Oui, ils le savent. Mais c'est la seule possibilité d'être en communication avec le Dieu, en communication avec ses morts. Vous parliez de ce pèlerinage auquel vous avez participé sur 325 kilomètres de distance. Qui en faisait partie de ce pèlerinage? Uniquement des Indiens? Seulement les Indiens, c'est interdit pour tous. C'est-à-dire que le pèlerinage a le sens qu'il faut mériter. Il faut mériter le peyote. Il faut le mériter, et, oh, évidemment, il faut le mériter avec, premièrement, des grands rites pour se purifier. Il marche pendant 12 heures sans s'arrêter. Il ne mange pas. il faut faire une grande confession générale quand il arrive à une place particulièrement sacrée. Il faut arriver avec les yeux bandés. Il ne faut pas faire pipi encore. Il faut chanter d'incantation. Et il faut ouvrir des portes magiques qui se sont gardées par des cerfs bleus. Et il faut monter jusqu'à une montagne dans laquelle a né le soleil. C'est la plus grande écalier chamanique du monde. Vous savez, c'est un peu compliqué parce que les Indiens voient les peyotes comme cerfs et comme maïs. C'est la trilogie mystique. Quand les Huichol arrivent à la terre magique du peyote, le principal chaman voit le premier peyote comme un cerf. Et il les chasse à la flèche comme un cerf. Et il les mange comme un cerf. Et il se dirige à lui comme un cerf. Comme vers un cerf. Oui. Vous parliez de cette confession générale qui était très impressionnante. Comment ça se passe-t-il? Ah, c'est une chose incroyable. Le chaman arrive avec les chapeaux couverts de plumes, de didons, que c'est les plumes du soleil, avec la face tatouée d'une racine jaune qui est le signe du peyote. Et il a dans la bouche un petit paquet de tabac qui est une espèce de radar pour localiser le peyote qui est dans l'intérieur de la petite brousse du désert. Et alors, quand il boit à l'aide de son tabac sacré, les premières peyotes, il prépare son arc et lance son flèche. Et après, il faut couper les peyotes et les manger ritualement comme des hosties. Après vient la récolte du peyote. J'ai des photos de ces récoltes qui est très vieux. C'est une récolte de 5000 ans. Ce qui fait les anciens chamans qui arrivent de la Sibérie. Et quand arrive la nuit, après la récolte du peyote, ils mangent le peyote. Alors, ils muent le feu sacré. Et après, il écoute, parce que en ce moment, le cerf sacré, le cerf primordial, sort du feu et commence à voler pour les montagnes. Et le cerf chante pour les chamans des chansons chamaniques. Il voit les cerfs qui se transforment en fleurs, les fleurs qui se transforment en nuages, les nuages qui se transforment en pluie et qui tombent sur ce champ sec. C'est un du vision du peyote pour la mentalité des Huichol. Est-ce que vous êtes très proche, vous, de toute cette autre mentalité? Est-ce que vous vous en sentez proche, Carlos Fuentes? Je n'ai pas fait le pèlerinage, je n'ai pas écouté les confessions, je n'ai pas vu chasser le cerf en tant que peyote. Mais j'ai une intuition simplement, non? On discutait un de mes romans il y a un instant et on pensait que, oui, il y avait une intuition, mais il n'y a pas la connaissance, pas du tout. Ouais. Malheureusement. Il faut se donner à ça comme le fait Benitez, non? c'est une partie de sa vie, de son travail. Pour moi, ça existe dans un, dans un autre niveau. Ça veut dire que les Mexicains très espagnols sont restés imperméables à tout ce qui était la culture indienne. Alors, c'est pas une question d'hispanité, c'est une question de bourgeoisie. Pour la mentalité bourgeoise mexicaine, ce monde est méprisable. Il n'existe pas, il ne le connaît pas, il l'ignore et il le méprise. Il faudrait l'écraser. C'est-à-dire pour un banquier mexicain, ce monde est horrible, non? Ouais. Quand je fais le film avec François Reichenbach, Mexico, et qui a des scènes prodigieuses sur le monde indien mexicain, sur les cérémonies de Corras à Santa Teresa, par exemple, sur la semaine sainte de Yaquis, sur le jour de mort à Chiapas, etc. Les Mexicains qui ont vu ce film à Paris, par exemple un député mexicain, leader du syndicat des cinématographistes chez nous, il a poussé un cri. Il a dit c'est un film dénigrant pour le Mexique. Il nous peint comme des sauvages. Ça n'existe pas. Le Mexique est un pays progressiste, industrialisé. Tout le monde porte des chaussures. Tout le monde a une voiture. Tout le monde a un réfrigérateur. C'est-à-dire, il veut oublier ce monde. Il ne veut pas se souvenir que ce monde existe, n'est-ce pas? Ils sont tout à fait aliénés dans une certaine idée du progrès occidental, européen, nord-américain. Et il ne veut pas voir que chez nous, quand même, il existe l'alternative du monde sacré, ce qui est très important. Vous savez, il y a une situation paradoxale. Nous avons dépensé 300 millions pour construire un magnifique musée pour garder tous les trésors de l'art ancien. C'est vrai, il est très beau. Toute la poésie, tous les chefs d'œuvre d'art indien, nous les acceptons et nous les montrons au monde avec le plus grand orgueil. En tant qu'œuvre d'art. Quand le général de Gaulle ou quand un roi nous visite, le chef d'anthropologie fait la visite habituelle au muséum, elle traduit les poèmes d'Iguan et Zagualcoyol qui se sont gravés dans les marbres des murs. Mais quand nous trouvons en face, nous aimons beaucoup les Indiens morts. Nous aimons beaucoup l'art indien. Nous aimons beaucoup son or. Nous avons beaucoup ses statues. Mais nous détestons profondément tous les Indiens vivants. Et nous esforçons pour les voler tout le temps. Alors c'est ce que veut dire Carlos Fuentes, mais quand on dit oublier les Indiens, ça veut dire les tuer. Les oublier, finalement, ça veut dire souhaiter leur fin. Ah oui, le Mexique bourgeois, le Mexique officiel, finalement, voudrait la disparition totale de ce monde, que ce monde reste comme un souvenir dans les musées, comme dit Fernando. Parce qu'il risque d'être peut-être un jour, d'être un peu comme le problème, la question des Noirs pour les Nord-Américains. Ou est-ce que ça vous paraît très différent? Non, c'est très différent. Très différent. Et nous sommes si bêtes que nous ne pouvons pas profiter de la main d'œuvre. Nous ne pouvons pas même d'établir de la grande industrie dans les zones indiennes pour profiter cette main d'œuvre à bon marché. Campesinos, me tiene la pena que en el pecho llevo mirando hacia allá. Los caídos del magrarista y del comunista de la humanidad. Y que vive Emiliano Zapata, que en el sur se levantó. ¡Ay, ay, ay, ay! Y que fue el primero que por darnos tierra la vida perdió. Campesinos, me hieren Et voici la suite de ce dialogue original, en français s'il vous plaît, entre l'écrivain mexicain Carlos Fuentes et l'anthropologue Fernando Benítez. C'est le 8e épisode des Carnets mexicains par Roger Pilaudin. Il y est question des forces qui ont constitué le Mexique moderne depuis l'époque de la conquête espagnole, souvent dans une très grande violence, de la religion catholique importée d'Europe au modèle économique venu d'Amérique du Nord. Conversation avec Fernando Benítez et Carlos Fuentes. Le Mexique bourgeois, le Mexique officiel, voudrait la disparition totale du monde indien et qu'il n'en reste qu'un souvenir culturel dans les musées, accusait hier Carlos Fuentes, romancier et dramaturge mexicain, que nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Fernando Benítez, romancier lui aussi, journaliste et historien des Indiens, non moins révolté que Fuentes contre les conditions de vie faites à ceux que Fernando Benítez a nommés les premiers Mexicains. Là, nous sommes vraiment bêtes. C'est de reconnaître et de donner un espoir à une possibilité de monde communautaire, de monde décentralisé. C'est très paradoxal, très curieux. Maintenant que, par exemple, aux États-Unis, pendant la révolution de mai 68 en France, on parlait tellement de la décentralisation, de la nécessité d'avoir des communautés capables de s'ordonner eux-mêmes, d'avoir un esprit et des liens pour le travail libre, pour le travail communautaire, avec un sens de la solidarité. On recherche ça terriblement dans le monde ultra-centralisé de la technologie, des technocraties occidentales. Tandis qu'au Mexique, on a la possibilité vraiment de retrouver le monde de la tribu, le monde des liens communautaires essentiels, fondamentaux, et on le méprise. C'est-à-dire on est tout à fait aliéné depuis la conquête espagnole, depuis les Aztèques vraiment, depuis Moctezuma, à une idée de la centralisation du pouvoir, de la verticalisation de la hiérarchie qui détruit toutes les possibilités d'initiative, de vie, de joie, d'existence, de solidarité communautaire. Tandis que malgré toutes les oppressions, malgré toutes les exploitations qu'on a eues au Mexique, on a quand même cette réalité de la vie communautaire dans le monde indien, dans le monde paysan mexicain. Au lieu de protéger ça, au lieu de donner une possibilité d'essor et de vraisemblance à ces mondes-là, on essaie de les crasser, de soumettre ces gens-là à le monde horrible de la plastique grotesque occidentale qu'on a créé dans cette ville que vous voyez autour de vous, non? Alors je trouve c'est horrible. C'est épouvantable, n'est-ce pas? On a un programme pour le développement économique qui est vraiment, comme je vous disais l'autre jour, un programme pour le développement du sous-développement, n'est-ce pas? Pour continuer dans les sous-développements, mais avec les apparences du développement, des apparences de vitres, des plastiques. Tandis que les vraies possibilités du développement, parce que le développement ne veut pas dire croissance économique, il veut dire développement total des possibilités de l'homme, épanouissement des possibilités spirituelles et matérielles de l'homme en même temps, n'est-ce pas? Ça, on l'écrase, ça, on ne le voit pas. Il faut faire un programme et culturel, et économique, et social, et politique, qui devait être ensemble, non? Tandis qu'au Mexique, on mutile, n'est-ce pas? On propose la politique sans la culture. On propose le croissement économique sans le développement humain, culturel, social. Alors c'est la mutilation totale. C'est créer des sous-hommes, tous ces pauvres gens qui arrivent dans cette ville et qui essaient de mener une vie en vendant des glaces, en vous nettoyant les chaussures. Ce sont des millions de gens à Mexico, je pense, n'est-ce pas, qui n'ont pas une vraie vie, qui n'appartient à aucune culture, qui sont des hommes déracinés, des hommes du sutrin, vraiment, pour employer les mots de Dostoïevski, non? Oui, il faut donner la santé aux gens, il faut leur donner la nourriture, il faut leur donner le travail, mais c'est inséparable de la culture des hommes, non? Même la religion a été la grande défense des Indiens contre la colonisation. Et aujourd'hui même, les missionnaires qui travaillent dans les zones reculées indiennes travaillent avec toute son force pour effacer les restes de paganisme qui encore reste et qui a été la défense des Indiens. La réponse à la colonisation a été amenée dans deux champs, les champs religieux et les champs des armes. Maintenant, il ne peut pas lutter contre une armée moderne. Il a la sacralisation comme l'expression plus profonde de son spiritualité. Et il paraît que tous les missionnaires, les politiciens, tout le monde se sont esforcés pour éradiquer son dernier force spirituelle. Vous voulez dire que la majorité des prêtres luttent même contre le syncrétisme dont vous parliez tout à l'heure? Évidemment, ils trouvent absolument une expression pagane. Le pape a pardonné à les juifs, non? A pardonné à les mahométans, a pardonné à tous les pagans. Mais maintenant, les clergés mexicains ne pardonnent pas les syncrétismes, les paganismes, qui encore pratique comme une expression religieuse millions d'Indiens mexicains. Est-ce que le clergé reste très puissant au Mexique? Évidemment, surtout après l'échec de la Révolution. Il y a encore dans le temps du général Cárdenas une résurrection de tous les paysans. Indien ou métis, c'est la même chose. Mais après l'échec de la Révolution, après 40 ans de pauvreté, parce que les Indiens sont plus pauvres que jamais, alors ils retournent à la religion comme dernier espoir. À leur religion. À la religion chrétienne déjà, catholique déjà. Si vous allez le 12 décembre à la Villa de Guadalupe, vous serez étonné de voir des millions de petites gens, non, de ouvriers, de artisans, de paysans qui se sont dans les pieds de la Vierge parce qu'ils ne croient déjà dans la Révolution. Ils ont retourné à la religion autrefois. Vers les dieux. Oui. Et je crois que le Mexique maintenant, c'est un pays catholique, comme n'il l'a été pas avant. Oui, c'est un fait. Et je parlais par exemple avec des paysans à l'état de Durango, de Jalisco, de Michoacán. Et je leur demandais, mais pourquoi êtes-vous tellement religieux, tellement affiché à la religion catholique après la révolution, après le libéralisme, après la lutte contre le clergé et les privilèges du clergé au Mexique, après la lutte du clergé mexicain contre la révolution, contre la réforme agraire, contre l'éducation populaire? Et ils m'ont dit, parce que on n'a connu que des voleurs. La révolution, pour nous, c'était des voleurs. Des types envoyés par les gouvernements qui nous exploitaient encore pire que le vieux latifundiste de la dictature. Alors, on a perdu les espoirs et on est rentré dans la religion. On a trouvé le soulagement et la miséricorde dans les mains des prêtres. Alors c'est l'échec économique de la Révolution qui, encore une fois, a donné à la religion le pouvoir de la consolation. C'est terrible, mais c'est comme ça. Le Mexique, 100 années après la réforme anticléricale de Juárez et après la révolution antiféodale, bourgeois et anti-impérialiste est plus que jamais un pays chrétien, un pays catholique, un pays qui croit à l'Église et au clergé et qui cherche sa consolation entre les bras des prêtres. Je ne veux pas dire que les paysans mexicains sont des réactionnaires. Il y a une désillusion vis-à-vis de la révolution, mais cette désillusion, il faut le dire, est le résultat d'une contradiction que le paysan trouve entre la forme communautaire et la forme individuelle de la propriété. C'est-à-dire que là où la réforme agraire mexicaine a été un succès, là où les ejido, c'est-à-dire les terres communaux, ont reçu pas seulement la propriété communale de la terre dans les mains des paysans, mais l'aide technique, l'appui pour la stabilité des prix, la santé, l'éducation, les semences, la machinerie, etc. Là, il n'y a pas ce phénomène. Là, les gens ont trouvé dans la possession communautaire de la terre une possibilité d'épanouissement, de développement, d'être assez important. C'est seulement quand la propriété individuelle et sa rapacité intervient que la réforme agraire devient un échec. C'est-à-dire quand les paysans qui produisent une récolte qui vaut, disons, 25 000 pesos, doivent vendre cette récolte à une propriété de moulins qui leur vend la récolte à 10 000 pesos, que les choses commencent à fonctionner mal, non? Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils exigent une structure communautaire de l'économie. C'est la seule façon, finalement, c'est le socialisme, le vrai socialisme qui résoudrait le problème très ancien de la terre et du travail au Mexique. Mais où vous avez, par exemple, dans l'Égide, une propriété communautaire, mais les produits de la terre sont donnés à des exploitateurs commerciaux privés, là, l'injustice commence, et là, tout s'est ébranlé et tout est détruit. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas produire une récolte et la donner pour la moitié du prix à des gens du moulin, à des intermédiaires qui enchérissent les produits, qui exploitent les paysans. C'est ça qui est impossible. C'est cette dualité terrible du système économique mexicain, non? Qui d'un côté donne un essor aux formes communautaires de la propriété de la production et de notre côté vraiment donne la force de la distribution de l'exploitation aux propriétaires individuels. C'est là que la grande dissociation, la grande contradiction vient, n'est-ce pas? Et ce sont des problèmes qui ne pourront être résolus que par le socialisme, par un socialisme mexicain effectif. Non? C'est-à-dire un aspect productif extérieur, mais la production n'appartenant pas au producteur. Non, finalement, les possibilités de vente, d'achat, de distribution sont dans les mains des vrais requins. Des vrais requins qui sont tous appuyés par des politiciens, parce que vous savez que chez nous, on commence sa carrière comme un petit avocat, licenciado, on devient ministre, ou même président, on se fait une grande fortune, et on achète des terres, on devient latifundiste, on sort du pouvoir après ces six années de gouvernement dont on a droit au Mexique, et on devient un des piliers, une des colonnes de la propriété privée, de la réaction, de la bourgeoisie la plus réactionnaire qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire que toutes ces promotions de gouverneurs mexicains qui sortent du pouvoir chaque 6 années, immédiatement ils entrent dans les files, dans les formations d'une bourgeoisie exploitateur et privilégiée. Ces émissions de Roger Pilaudin sont les 7e et 8e épisodes d'une série de 12. Première diffusion sur France Culture les 12 et 13 juillet 1971. Elles sont à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.